Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Troisième épisode, la guerre et la révolution. Antonio Jiménez quitte Lérida pour le front de Saragosse et rejoint la colonne de Ruti. En août, celle-ci déclenche une offensive qui se conclut par la prise de Pina de Ebro, Osera et Los Calabazares, à 14 km de Saragosse. Dans les villages où passe la colonne de Ruti, comme dans la plupart des autres, la collectivisation des terres, du bétail, des semences et des outils s'organisent, tantôt spontanément, tantôt à l'appel des miliciens, qui provoquent des assemblées de villages. Comme en Ukraine, en 1917, la guerre et la contre-révolution vont exercer une pression permanente sur l'expérience communiste libertaire en cours. Pina de Ebro fut investie sans difficulté majeure. Environ 12 km de la ville, on avait bien eu quelques échanges de coups de feu avec une poignée de phalangistes qui gardaient le carrefour de Khelsa, mais aucun de nous n'avait été touché. Tout allait pour le mieux. La deuxième centurie fut chargée d'occuper tous les croisements et de perquisitionner les maisons. On ne trouva personne de suspect. Les enfants furent les premiers à vraiment fraterniser avec nous, poussés par la curiosité. Il faut bien reconnaître qu'à part une minorité de jeunes initiés à la lutte sociale, tous les autres avaient peur. Presque tous les enfants étaient pieds nus, ou chaussés d'abarcas, espèce de sandales confectionnées avec un pneu de voiture, de fabrication familiale. Aucun de ceux à qui nous posâmes la question n'avait chaussé de souliers. Il y avait un magasin de chaussures sur la place de l'église. Le commerçant commença à donner des souliers à un enfant, puis à un autre, et comme il fallait les leur faire essayer, il nous appela à l'aide. Nous fûmes 5 ou 6 à nous transformer en vendeurs de chaussures. Et je me souviens que l'on réclamait des plus petits une grosse bise et des grands une poignée de main. C'était assez cher pour les petits car nous avions des barbes de 3 jours. Durut y fit rassembler la population sur la grande place et prononça une brève allocution. Il dit que la terre appartenait aux gens, et qu'ils n'avaient qu'à la travailler ensemble, en collectivité, mais que ceux qui préféraient continuer à l'exploiter en famille le pouvaient. Il ajouta aussi que l'argent n'avait plus de valeur, que seul le travail comptait. Pendant que l'on fouillait les maisons pour voir s'il n'y avait pas des gens qui se cachaient, on enlevait tous les objets de culte qui nous tombaient sous la main. Les Espagnols sont très croyants, sans pour autant aimer l'église et les curés. Et j'ai souvent remarqué chez les paysans un étrange mélange de croyances chrétiennes et d'idées d'avant-garde. Choses qui, en y regardant bien, ne sont pas incompatibles. De toute façon, le fait est que personne ne peut le nier. Chaque fois qu'ils se sont révoltés contre l'ordre établi, ces catholiques croyants ont brûlé les églises et massacré les curés. Celle de Pina n'échappa pas à la règle. Dans toutes les maisons, il y avait sur les murs et sur les meubles des Christs en croix, des images de saints, des rosaires. Dans certaines familles, les femmes nous aidaient à décrocher et à brûler dans leur propre cheminée ces objets, symboles d'ignorance et d'esclavage. Dans d'autres maisons, où de vieilles gens nous priaient ou essayaient de cacher ces choses, pour elles précieuses, notre mission devenait pénible. J'ai compris ce jour-là jusqu'où pouvait aller notre tolérance pour ces hommes incultes. Prêts à tuer en riant tous les curés de la terre et à aider à cacher, pour faire plaisir à un vieil homme ou à une vieille femme, un crucifix ou une sainte vierge. je me souviens d'avoir vu un authentique tueur de curé, je l'avais vu à l'œuvre à Lérida, rentrer dans une chambre où une vieille femme couchée essayait de décrocher un Christ suspendu au mur au-dessus de son lit, sans pouvoir y arriver. L'homme rentre, décroche le Christ, regarde la vieille qui est recroquevillée sous les couvertures, les soulève légèrement et glisse rapidement l'objet dessous. Puis rafle sur la table de nuit deux ou trois images de saintes et se retourne pour sortir. Il me voit sur le pas de la porte et comprend que j'ai été témoin de ses gestes. Il lève les épaules et me dit « Compañero, podía ser mi abuela, y tuya, también. » Nous sortîmes ensemble en devisant sur la bêtise de tout ce monde qui se laisse embobiner par les marchands de vent qui promettent le paradis après une vie d'enfer. Quelques jours passèrent dans le calme. Nous essayions de briser les derniers obstacles que la crainte élevait entre les plus réfractaires et nous. Puis une nuit, ce fut l'alerte. Falangistes et requetes se regroupaient de l'autre côté du fleuve, entre Pina et Osera, et allaient attaquer. En silence, on alla se placer dans les tranchées individuelles que l'on avait creusées les nuits précédentes, à une quinzaine de mètres du bord de l'eau. Herrera et moi avions pris place dans un trou de 1 mètre de long sur 50 cm de large environ. Mon compagnon était un homme d'une quarantaine d'années. Le 19 juillet, il était à la prison Modelo de Barcelone, avec un bail de 50 ou 60 ans. Je me souviens plus très bien. Libéré, il avait, avec deux de ses complices habituels, emprunté une voiture pour venir à Lérida, d'où ils étaient originaires. Depuis son adolescence, il avait toujours vécu de vol et de rapine, sauf pendant les périodes où le gouvernement le logeait et le nourrissait gratis. Je vous dis tout cela parce que deux jours plus tard, pendant une patrouille sur nos arrières pour dépister de possibles infiltrations ennemies, on pénétra à l'intérieur d'un couvent. Les moines en étaient partis depuis longtemps. Nous visitâmes tous les étages sans rien trouver d'intéressant, puis Herrera et un autre s'en furent visiter les caves. L'autre copain et moi restâmes de garde à l'extérieur. Je commençais à être fatigué d'attendre mon camarade. Aussi, bien que les caves aient été grandes, le temps s'écoulait lentement. Enfin, ils arrivèrent en courant. Antoine, viens voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement quelque chose de pas très catholique. Le copain qui était de garde avec moi, Herrera et moi-même, sommes descendus en passant par la cour. Herrera ramassa une pioche qui traînait par là, et une fois arrivé dans la cave, il nous montra un pan de mur où les pierres avaient été scellées récemment. Eh bien, c'est ce que tu voulais nous faire voir? Écoute, le cimetière est au fond du jardin. Si les moines ont scellé ces pierres, ils avaient certainement des raisons. Ceci est une tombe ou une cachette. Écoute avec attention. Avec le col de la pioche, il frappa des coups sur le mur. Il était plein partout, sauf à l'endroit où il avait été refait. C'est vrai? Ça sonne creux? Alors, on regarde ce qu'il y a? Allons-y. Il attaqua le joint supérieur qui était le plus large. La première pierre céda enfin, et ce fut un jeu, ensuite, d'agrandir l'ouverture. Le faisceau de la lampe électrique éclaira la cavité, qui ne contenait qu'un coffre de facture ancienne, tout bardé de ferrures ouvragées. Le sortir de son trou et faire sauter le cadenas qui le fermait fut l'affaire de 2 ou 3 minutes. Il était plein de bijoux et de pièces de monnaie, vieilles de quelques centaines d'années. La richesse était assurée pour nous quatre et pour le restant de nos jours. Herrera partit en courant appeler le copain qui était resté dehors. Dès qu'ils revinrent, notre décision fut prise. Moi, je restais là avec deux autres. Le quatrième allait chercher une voiture. Le soir même, le coffre et son contenu étaient au siège du syndicat. Si ma mémoire est bonne et mes renseignements exacts, ce fait a été relaté à l'époque par certains journaux français. Vers 2 heures du matin, Herrera me chuchota. Oh yes, tu entends? En effet, au léger bruissement de l'eau courante s'en était ajouté un autre. Très léger aussi, au début, mais qui se rapprochait de plus en plus. Celui des avirons dans l'eau. Mon cœur commença à battre si fort que j'avais l'impression qu'il voulait défoncer ma poitrine. Accroupi au fond du trou, mon compagnon alluma le briquet à Madou et me le passa. J'avais dans mon sac 2 boîtes de conserve, bourrées de trinitrotoluène, tolite. J'en déposai une devant moi sur le sable, et je gardai l'autre dans ma main gauche. Un coup de fusil éclata. Une masse noire se dessina devant moi, dans l'obscurité de la nuit. Je fléchis les genoux, j'approchai les mèches en soufflant sur l'amadou, et je comptai. 1, 2, 3, 4. Puis il y eut une lumière aveuglante, une explosion, et toute la rive s'embrasa. Ce fut l'enfer. Je voyais derrière moi des ombres qui surgissaient du néant, sautaient, couraient vers moi, et disparaissaient dans le bruit assourdissant des coups de fusil, de revolver, d'explosions de bombes. Je lançai ma dernière boîte sur une ombre qui venait de sortir de la nuit. Les balles sifflaient dans l'air comme des guêpes enragées. Les plaintes et les sanglots des blessés se mêlaient à l'infernal orchestre des engins de mort. Puis le feu ralentit. Et très vite ce fut le silence, que rompaient seulement les gémissements et les cris des blessés. Les deux barques qui avaient accosté devant la tranchée gisaient, disloquées, presque complètement submergées dans le lit du fleuve. Leurs occupants n'avaient pas tous eu le temps de débarquer, et la majorité avait été projetée dans le courant à cause de l'explosion, et s'était noyée. Ce fut ce jour-là, au début de l'après-midi, que je fis la connaissance de la madre. À genoux au bord d'un ruisseau qui serpentait au milieu des hautes futaies de peupliers, je crois, mais je n'en suis pas sûr. J'ai jamais été très fort en botanique. Je me préparais à faire ma lessive. Pero qué haces, hijo? Je levai la tête et je vis une femme d'un certain âge à côté de moi, un grand panier sous le bras. Je lave ma chemise. Mais il ne manque pas de femme à Pina pour laver les linges des hommes. Allez, donne-moi ça. Tu viendras le reprendre ce soir. Où? Je ne sais pas où vous habitez. Viens, Calle del Pino. Demande la tia Pasquala. Lorsque je pense à tous ceux que j'ai connus en Espagne, avant et pendant la guerre, à tous ces gens avec lesquels j'ai vécu, que j'ai fréquentés et côtoyés, le souvenir le plus doux, le plus cher à mon cœur est celui de cette paysanne aragonaise qui, pendant la tourmente, m'ouvrit la porte de sa maison, me reçut chez elle comme un enfant perdu et retrouvé. Tia Pasquale, madre, vous n'êtes certainement plus de ce monde, mais votre souvenir et celui de celle qui me donna le jour, encore aujourd'hui, après tant d'années, sont ceux auxquels je tiens le plus. Au crépuscule, je me dirigeais vers la rue qu'elle m'avait indiquée. La journée avait été torride. Tous les habitants profitaient de la fraîcheur du soir, sur le pas de leurs portes. Les uns étaient assis à même le sol, d'autres, sur des chaises, des bancs, ou nonchalamment appuyés contre le mur, discutaient du combat de la nuit précédente. La casa de la tia Pascuala, por favor. La maison de tante Pascal, s'il vous plaît. Le vieil homme à qui je m'adressais n'eut pas le temps de me répondre, car un gamin d'une dizaine d'années me prit par la main en disant « Por aquí, compañero ?» et ajouta pour les autres, comme s'il dévoilait un secret « Es el francés. » Je me mis à rire et je le suivis en jetant à la ronde un « Hola, compañeros y compañeras !» La maison n'était pas loin. À l'appel du gosse, une grande fille sortit, me regarda et rentra en courant. « Madre, el miliciano !» Et revenant vers moi « Entre, señor !» En passant le seuil de cette maison, je ne m'imaginais pas qu'elle allait devenir mon port d'attache, mon havre de paix. C'est pendant près de 2 ans que je fus accueilli, à chacun de mes retours, dans le calme et l'affection qui me faisait oublier les peines et les dangers passés. De la rue, on pénétrait de plein pied dans une grande pièce meublée d'une table et de quelques chaises, d'un buffet, que l'on appelait mafia, et qui servait de pétrin. En face de l'entrée, on voyait la porte de la cuisine et une rampe d'escalier qui conduisait aux chambres. La madre vint me recevoir. « Assieds-toi, fils. Voilà ta chemise. Vicenta, trae el porron. » La fille posa sur la table une espèce de bouteille, muni sur le côté d'une sorte de bec, ce qui permettait de boire sans verre. La famille se composait de 2 filles et de 2 garçons. Maria et Manuel ne se trouvaient pas à la maison. Ils avaient été bloqués à Saragosse, où Maria travaillait comme bonne. Vicenta et Paco aidaient leur mère à travailler leur lopin de terre. J'étais chez eux lorsque je reçus la lettre m'annonçant la mort de Juanita. La madre et Vicenta trouvèrent les mots nécessaires pour calmer ma douleur et mes remords. Oui, mes remords. En effet, si j'avais accepté que Juanita me suive, peut-être vivrait-elle encore. À partir de ce jour, je sus que j'avais trouvé une famille. Voyons de plus près cette expérience communiste libertaire au cœur de la Révolution espagnole. Ce qui permet aux miliciens de mener une guerre qu'ils n'ont pas voulu et de tenir avec un armement insuffisant, c'est bien la conviction qu'au front comme à l'arrière, un mouvement d'émancipation est en route pour que les hommes et les femmes de ce pays vivent enfin une existence digne de ce nom. La collectivisation ne fut pas l'effet du hasard, mais la résultante d'une longue histoire d'auto-éducation ouvrière. Elle se répand dans les villes et communes villageoises restées républicaines et perdure jusqu'en 1938 de manière plus marquante dans les campagnes que dans les villes et tout particulièrement en Aragon, où l'État central sera peu présent. Dans certaines communes de la région du Haut-Aragon, l'expérience communautaire avait même commencé en 1932. Et dès avril 1936, pour d'autres. La proximité du front constitue aussi un élément stimulant. Des villageois, comme ceux de Calanda, vont constituer une centurie entière dans la colonne d'Urruti. Cependant, la symbiose milicien-paysan n'est pas toujours évidente à réaliser. Simone Veil, jeune philosophe française qui se rendit sur le front, note dans son journal un sentiment d'infériorité assez vif chez les villageois et un manque de curiosité, voire une condescendance chez les miliciens. Sans généraliser cet état d'esprit de part et d'autre, il ne faut pas pour autant l'ignorer. Et des comportements inacceptables de la part des miliciens rendront nécessaire l'intervention des chefs de colonne. En tout cas, la collectivisation sera vaste et tenace, malgré les attaques qu'elle subira pendant 2 ans. Cela donne à penser qu'elle est l'œuvre volontaire de l'ensemble des paysans aragonais. On peut même dire que pendant le temps que dure l'expérience collectiviste, chaque village mettra un point d'honneur à réaliser sa propre conception du communisme libertaire. Il y a également des villages où rien ne change parce qu'ils sont majoritairement peuplés de petits propriétaires. Dans les campagnes aussi, on procède à des règlements de comptes, mais de manière moins massive et surtout plus symbolique. Souvent, on fusille le curé, le grand propriétaire et les hommes de loi. Mais de nombreux témoignages font état de la possibilité laissée aux ennemis de classe de partir librement ou de s'intégrer à la nouvelle collectivité. De manière générale, dans les communes où prédominent les travailleurs salariés, la propriété privée et le commerce sont abolis. Tout se discute et se décide en assemblée, chaque collectivité étant souveraine. La plupart du temps, c'est un comité qui centralise l'activité et ses membres sont remplacés à bref délai pour que chaque habitant en fasse régulièrement partie. On réquisitionne immédiatement les terres dont les propriétaires ont fui et on les travaille collectivement. Aux petits propriétaires qui veulent garder leur lopin, il est dit: travaillez seul, ici, on n'exploite plus personne. On partage équitablement la production, mais on fait aussi en sorte d'œuvrer dans de meilleures conditions, et surtout, moins longtemps, pour avoir enfin l'occasion de s'instruire, de lire, discuter, ou s'adonner à d'autres activités. Pour cela, on recourt aux méthodes modernes d'agriculture, et surtout aux tracteurs et moissonneuses. Ces mêmes machines ont été honnies par les mêmes ouvriers des années auparavant, car elles engendraient le chômage. La surproduction permet d'échanger avec d'autres communautés, voire d'aider les plus pauvres, mais aussi de nourrir les 20 000 miliciens du front. Le travail est parfois si efficace qu'il sera envisagé par endroits de se limiter dans la production, une fois les besoins couverts, ce qui ouvre le champ d'un débat sur la redéfinition des besoins. En Espagne s'opère une symbiose particulière entre la paysannerie et l'anarchisme. Cela est nettement perceptible dans cet idéalisme où l'argent est considéré comme le mal absolu, comme ce qui a rendu les gens pauvres. Tout est fait dans la communauté nouvelle pour le bannir, produire le maximum sur place, pratiquer le troc avec les autres collectivités. On recourt à la monnaie quand on ne peut faire autrement. Ces tentatives et résultats ne sont pas à idéaliser, mais à considérer comme une expérience historique menée par des ouvriers agricoles, des paysans, des intellectuels, des adultes et des enfants, des hommes et des femmes. Elle se développera dans des conditions très variables selon les ressources locales, l'impact des idées libertaires, l'importance de la pression de la guerre et surtout celle de la contre-révolution. Pour les acteurs et témoins qui en parleront depuis l'exil, cette symbiose originale d'individualisme et de collectivisme représente à l'évidence l'affaire de leur vie. Leur récit, comme celui de Jiménez, vibre plus de l'espoir concrètement engagé que de la matérialité de la défaite. Ils ont été vaincus, mais ils n'ont pas échoué. Thank you.